Chapitre 30. Il fut encore nuit noire quand le colonel, de recherche en recherche, envoyé à droite, envoyé à gauche, parvint à retrouver son bataillon logé dans les maisons de Suresnes. Le premier homme qui vint en devant de lui fut son oncle. « Eh bien ?» demanda celui-ci. « Michel a la jambe cassée. Maintenant, que faisons-nous ? Pas d'ordre, nous attendons. » On attendit longtemps, sans savoir ce qu'on ferait. Le jour se leva et l'on resta en place. Cependant, le Mont Valérien et quelques batteries avaient recommencé la canonnade. On sait que cette bataille, engagée le 19 janvier et interrompue par la nuit, ne fut pas reprise le 20 ni le 21 ni plus tard. Après avoir lu sur toutes les murailles de Paris, le 19, qu'on était décidé à souffrir et à mourir s'il le fallait, mais à vaincre, on lut le 20 qu'il fallait envoyer sur le champ de bataille beaucoup de brancardiers ainsi que des voitures solidement attelées et en même temps parlementer d'urgence pour un armistice de 2 jours qui permette l'enlèvement des blessés et l'enterrement des morts. 2 jours, quelle stupeur! Les morts et les blessés étaient donc au nombre de plusieurs milliers. C'était le commencement de la fin. Le 27, on se décida à annoncer que les champs de la guerre ayant refoulé les armées de province, le gouvernement avait le devoir absolu de négocier. Quelques esprits se demandent si cela est possible, et ils se répètent ce mot « Notre gouverneur ne capitulera jamais ». D'autres, qui se résignent à voir clair, comprennent qu'on veut frapper d'épouvante une population courageuse à laquelle, jusqu'à ce jour, on a systématiquement caché la vérité, et la préparer à une capitulation que son ignorance autant que son patriotisme repoussait. Dissimulée sous le nom d'armistice général, elle fut signée le 28, cette capitulation. C'était fini, bien fini, la mort pour le porte-drapeau de la France. Dès le 29, la rentrée des troupes commença sur tout le périmètre de la place, et pour la première fois depuis le commencement du siège, ceux qui, depuis 137 jours, se battaient, se virent face à face avec ceux qui voulaient qu'on se battît encore, et ce ne furent point des regards fraternels que leurs yeux échangèrent. Au moment où les hommes du bataillon des volontaires allaient se séparer, le capitaine qui avait remplacé Michel comme commandant fit former le carré. Il annonça que tant que le travail n'aurait pas repris, chacun toucherait sa solde comme s'il était encore en campagne et que cette solde serait payée à partir du jour où le gouvernement supprimerait celle qu'il donnait. Il ne dit point qui ferait les fonds de cette paye, mais il n'était pas besoin d'explication à ce sujet. On chercha Édouard Chamberlain, on ne le trouva point, et l'on sut qu'il venait de s'éloigner avec son oncle pour rentrer chez lui. Elle fut lugubre, cette rentrée, et pendant toute la route, ils n'échangèrent pas un seul mot, marchant côte à côte en silence, sans lever les yeux sur les gens qui les regardaient. En arrivant, Antoine courut au lit de Michel et se fit avec des larmes dans les yeux que ces deux hommes s'embrassèrent. Si Soriol n'avait pas assisté au dîner, on n'eût pas dit un mot, et l'on aurait mangé, la tête basse, son morceau de pain noir qui se collait entre les dents. Mais Soriol avait des paroles appropriées à toutes les circonstances, même les plus tristes, et ce fut presque un soulagement d'entendre sa voix. Au moins, cela empêchait de penser. Ce ne fut pas seulement la tristesse qui abrégea le dîner, ce fut encore la fatigue. Antoine et le colonel étaient harassés. Cependant, au moment où celui-ci se retirait dans sa chambre, son oncle le suivit. « Mon cher Édouard, je vous parler. Asseyez-vous, mon oncle. » Bien que les circonstances ne permettent guère qu'on s'occupe d'affaires particulières, il y a cependant urgence pour nous à établir dès maintenant notre situation respective. J'ai pris un engagement envers vous et vous en avez pris un envers moi. Je vous ai promis qu'avant la fin de ce siège, je n'adresserai pas un mot d'amour à ma cousine et d'autre part, je vous ai promis encore que jusque-là, il n'y aurait aucune explication ni aucune querelle entre Michel et moi. Et moi, je me suis engagé à ne pas consentir au mariage de Michel et de Thérèse avant la fin du siège. Le siège, il me semble, peut être considéré comme fini depuis hier. Hélas, je pourrais vous répondre que c'est un armistice qui a été signé. Mais si le gouvernement veut continuer à endormir la population, je ne veux pas me tromper moi-même. Oui, le siège est fini. Cependant, je viens vous demander de prolonger encore votre engagement. Mais, mon oncle, dans l'état où est Michel, voulez-vous engager une lutte avec lui ? Ne trouvez-vous pas juste de lui laisser au moins la liberté de se défendre ? Mais c'est cet état précisément qui me paraît vous dégager. Michel n'est pas mort. S'il ne meurt pas, il sera coup sur estropié. Donnerez-vous votre fille à un invalide ? Michel, sortant du lit sur lequel il est couché en ce moment, aura-t-il le droit de vous dire « Me voici, je suis l'homme à qui vous avez promis la main de votre fille. » J'ignore ce que Michel me dira, mais je désire que le jour où il parlera, il puisse le faire librement, et je veux pouvoir lui répondre librement aussi. En ce moment, vous devez comprendre que ma réponse ne serait pas libre, puisque je l'adresserai à un mourant. » Le colonel réfléchit un moment avant de répondre. « Vous ne me répondez pas, » dit Antoine en insistant. « J'ai voulu réfléchir et, en un pareil sujet qui me touche si vivement au cœur, ne pas parler à la légère. Il me paraît que vous avez pleinement raison, et je vous demande même pardon de n'avoir pas senti tout d'abord et au premier mot combien vous aviez raison. Je prends donc l'engagement que vous désirez, c'est-à-dire que de nouveau, je consens à ne pas adresser une parole d'amour à ma cousine, et d'autre part, je consens aussi à ne provoquer aucune explication avec Michel jusqu'au jour où il sera en état de se défendre. Je penserai que le siège a duré quelques semaines de plus. Je comptais sur votre réponse, mon neveu. Laissez-moi vous dire, mon cher oncle, que vous comptez toujours beaucoup trop sur mes réponses. J'aime Thérèse. Je l'aime plus aujourd'hui que je ne l'aimais hier, comme je l'aimais plus hier qu'il y a 3 mois. C'est un sacrifice très douloureux que je m'impose et que je vous fais de ne pas lui parler de mon amour. Vous ne savez pas à quelle tentation j'ai dû résister pour tenir ma parole. Et je prévois que les tentations nouvelles qui se présenteront ne seront pas moins cruelles. Cependant, je consens à prendre cet engagement. Mais cette fois, j'y mets une condition, qui est que Thérèse reste ici. Nous ne pouvons pas demeurer chez nous. J'espère bien que vous y demeurerez cependant, mais en attendant que cela soit, vous sentez que Thérèse ne peut pas abandonner l'ambulance. Mais si Michel... Il me semble qu'elle soigne Michel. Je voulais dire que si Michel demandait à quitter l'ambulance, Michel ferait ce qu'il voudrait. Je demande seulement que Thérèse ne la quitte pas. Si Michel se sent gêné ici, il peut se faire transporter dans une autre ambulance. Je m'opposerai autant que possible à son départ, mais enfin, je ne lui ferai pas violence pour le garder. Pour Thérèse, c'est différent. Le jour où il serait question qu'il sortît d'ici, je parlerai. Je lui dirai que je l'aime, que je lui demande d'être ma femme, et nous verrions alors si elle sortirait. D'ailleurs, à la jalousie de Michel, devez-vous sacrifier la joie de tous ces pauvres blessés dont Thérèse est la providence? Que deviendrait-il si elle partait? Elle restera, dit Antoine. Le colonel n'avait point imaginé que les choses s'arrangeraient ainsi, et lorsqu'il avait su qu'il allait rentrer à Paris, il n'avait eu qu'une pensée, entretenir Thérèse de son amour et lui demander si elle voulait l'accepter pour mari. Michel n'avait point occupé son esprit. D'ailleurs, était-il encore en vie? Ou s'il vivait, ne devait-il pas mourir un jour ou l'autre? Il n'y avait plus à compter avec lui. Ce n'était pas lui qui avait eu la chance d'être le plus heureux des deux, et la chance s'était montrée si favorable au colonel qu'elle lui avait permis de tendre la main à son rival. La communication de son oncle le surprit donc désagréablement. Mais le premier moment de déception passé, il se dit qu'après tout, ce retard dans l'accomplissement de ses désirs n'était pas bien grave. Ne verrait-il pas Thérèse chaque jour? Ne vivrait-il pas de la même vie, sous le même toit? Le lendemain matin, sa première sortie fut pour aller chez Madame de Lucilière. Il lui en coûtait de se présenter dans cette maison, où il s'était bien juré de ne jamais remettre les pieds. Mais il avait un trop vif désir de savoir ce qui s'était dit entre la marquise et Thérèse, ou plutôt ce que la marquise avait dit à Thérèse pour rester enfermée dans ce serment. Il la ferait parler, il tâcherait de savoir, enfin il verrait. Mais il ne sut rien et ne vit rien, car Madame de Lucilière, profitant la première de l'ouverture des portes, avait quitté Paris la veille. Elle en avait assez de ce siège qui lui avait paru devoir être amusant et curieux. Curieux, oui, assurément, mais amusant, non, mille fois non. Du pain noir, pas de gaz, ses chevaux mangés, mais c'était une abomination. Et il s'était échappé au plus vite, exaspéré contre ceux qui parlaient de se défendre à outrance. Paris s'était défendu, cela suffisait. Il arrive un moment où l'on peut se rendre honorablement, les peuples comme les individus. Il ne put non pas apprendre ce qu'il avait si grande envie de savoir. Mais à sa déception, il eut au moins 7 compensations qu'il fut à l'abri des machinations de la marquise, et c'était quelque chose qui avait bien son prix. Si les derniers temps du siège avaient été durs à passer, les premiers jours qui suivirent la conclusion de l'armistice furent lugubres pour Paris. C'était un anéantissement de toutes les forces, une morne douleur, un dégoût amer pour tout et pour tous. Pour se soustraire à cette tristesse, le colonel s'empressa d'accomplir les formalités qui devaient lui permettre de sortir de Paris, et presque chaque jour, il s'en alla faire de longues courses dans la banlieue pour visiter les travaux des Prussiens. Enfermé dans la boucle de la Marne, il n'avait presque rien vu du siège, et il avait maintenant la curiosité d'examiner ce qu'avait été ce cercle de fer que nos généraux avaient considéré comme infranchissable. Il était redevenu le colonel Chamberlain en quittant son uniforme de volontaire, c'est-à-dire citoyen américain, et ses visites lui étaient plus faciles qu'elles ne l'eussent été pour un officier français. Le président de l'Union ne venait-il pas de se montrer habile courtisan de la fortune en adressant ses compliments et ses éloges au nouvel empire d'Allemagne? Ce n'était guère que le soir qu'il rentrait à l'hôtel pour l'heure du dîner. Ainsi, il échappait aux difficultés d'un tête-à-tête avec Thérèse. À table, en présence d'Antoine ou de Soriol, il pouvait se montrer affectueux pour sa cousine, sans se laisser entraîner par des élans de tendresse qui eussent bien vite compromis son engagement. De temps en temps seulement, il allait faire une visite à Michel, et toujours cette visite était courte. « Je viens prendre des nouvelles de votre santé. Je vous remercie. » Et c'était à peu près tout. Sans être bonne, cette santé n'était pas aussi mauvaise que le chirurgien l'avait craint tout d'abord. Les complications graves qu'on redoutait ne s'étaient point réalisées, et il semblait possible maintenant que Michel sauva non seulement sa vie, mais encore sa jambe. Sa jeunesse et sa vigueur avaient donné un démenti aux lois de la médecine. « Si j'avais voulu laisser couper ma jambe, disait Michel, j'aurais peut-être succombé à l'amputation, et en tout cas, je n'aurais plus ma jambe, tandis que je l'ai, et je ne suis pas mort. » Voilà pour le présent. Pour l'avenir, nous verrons bien. Il avait tout d'abord été convenu que Soriol, Antoine et Denisot s'arrangeraient ensemble pour que l'un d'eux restât toujours auprès de Michel afin de le distraire. Mais cette convention n'avait pas été fidèlement exécutée pendant longtemps. Soriol, qui était candidat dans les élections, candidat de lui-même, comme il disait, ne pouvait guère rester à l'hôtel. Il avait des démarches à faire, des réunions à préparer, des discours à prononcer, qui prenaient tout son temps. Repris par la vie politique, Antoine n'avait guère plus de liberté, si bien que de tous ses amis, Michel n'avait de fidèle près de lui que Denisot. Mais loin de se plaindre de cet abandon, il s'en réjouissait, car il lui permettait de passer plusieurs heures par jour en tête-à-tête avec Thérèse, ce qui ne lui eût pas été possible si Soriol ou Antoine avaient tenu leur engagement. Denisot était sans conséquence. On l'envoyait faire une course ou simplement se promener, et le tête-à-tête était obtenu. C'étaient les bonnes heures de son existence que celles qu'il passait ainsi, ayant Thérèse près de lui, lisant ou causant. Cependant, jamais il ne lui adressait une parole d'amour, et jamais même il ne faisait l'allusion la plus légère à leur mariage. Mais il la regardait, il la voyait tourner légèrement dans la tente, c'était de sa main qu'il prenait le verre ou la tasse qu'elle lui préparait, et il était heureux, il lui souriait. Pourquoi cette réserve et ce silence? C'était la question que Thérèse se posait sans lui trouver une réponse. Chaque jour, elle s'attendait à ce qu'il romprait ce silence, et jamais elle n'entrait dans la tente sans se demander si ce ne serait pas ce jour-là. Cependant, les jours, les semaines s'étaient écoulées. Soriol n'avait point été nommé aux élections, et il n'avait même obtenu qu'un petit nombre de voix, ce qui l'avait stupéfié. Comment? Lui, pas nommé? Par ce pari dont il avait si souvent réchauffé le cœur, c'était à n'y rien comprendre. Puis les jours et les semaines avaient recommencé leur cours, et l'on était entré dans la seconde quinzaine de mars. La commune s'était établie à Paris, et dans les nouvelles élections qu'il avait constituées, Soriol, plus heureux cette fois, avait été nommé. On avait voulu porter Antoine comme candidat dans son arrondissement, mais il avait obstinément refusé, en publiant dans les journaux une lettre qu'il avait fâché avec le plus grand nombre de ceux auprès desquels il avait pendant si longtemps lutté. Dans cette lettre, il disait qu'au lieu de prendre les armes, il fallait les déposer, et se contenter pour le moment de poursuivre par l'association le triomphe de l'organisation du travail, et longuement, éloquemment, il avait développé les raisons qui, selon lui, rendaient à cette heure une insurrection criminelle. Reproduite et commentée dans tous les journaux, cette lettre avait soulevé contre lui les colères de tous ses anciens amis. « C'est une ganache. C'est un traître. La fortune de son neveu l'a corrompu. Riche, il raisonne maintenant comme les riches. » D'un autre côté, elle lui avait valu les applaudissements de ses anciens adversaires. « Voyez, Antoine Chamberlain, écoutez ses paroles. C'est un honnête homme. »